J'ai accepté tes colonnes comme un passé révolu. Que tu crois ton visage, mon obsession, ou crains ma haine. Foi est certes inébranlable comme celle d'un anatarète, mais ma meule est celle du poète, du conquérant et du prophète, ressuscité plusieurs fois d'une survie comme toi, loin de prières et d'excès, comme seuls les audacieux vivent. Hier mon amour, aujourd'hui mon ex-amour, qu'attends-tu que j'écrive, que je ne souffre plus, ou que tu fus mon plus bel idylle. Tes câlins comme un passé révolu. Que tu crois ton visage, mon obsession, ou crains ma haine. Si tu meurs, ma foi est certes inébranlable comme celle d'un ananachorète, mais ma meule est celle du prophète, ressuscité plusieurs fois d'une survie comme toi, loin de prières et d'excès, comme seuls les audacieux vivent. Hier mon amour, aujourd'hui mon ex-amour, qu'attends-tu que j'écrive, que je ne souffre plus, que tu fus mon plus bel idylle.